bien élevé, c'est lui qui est souverainement élevé. Bien-aimés, je vous prie, ensemble, louons l'Éternel. Louons-le selon l'immensité de sa grandeur. Alléluia, alléluia, alléluia, Nakolo Yesu, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, Nakolo Yesu. Oh, Jesus, tombola, maseko, naseko, osa, malama.